Ici Pascal Cloutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. Monsieur Luc Allard et toute l'équipe des excavations Propel d'Albanel vous souhaitent un joyeux Noël et une excellente année à toute la population et désire remercier sa clientèle pour leur fidélité. Et n'oubliez pas, pour votre déneigement résidentiel ou commercial, les excavations Propel d'Albanel, ce sont eux qu'il faut appeler au 418-279-3118. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. La semaine dernière, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, est venu à Saguenay pour parler un peu du dossier du nouvel amphithéâtre, des consultations publiques qui devraient se mettre en branle d'ici un an environ. Et question de savoir un peu comment il a trouvé l'accueil de la mairesse José Néron et également des gens des Saguenay de Chicoutimi. On lui parle. Bon après-midi, M. Courteau. Bonjour. M. Courteau, votre visite au Saguenay, d'abord, à prime abord, c'est une visite de courtoisie ou c'était une visite quand même pour peut-être s'informer de comment que ça allait actuellement, le projet du nouvel amphithéâtre? Bon, ben c'était une visite qui était planifiée dans le cadre du 50e anniversaire de la Ligue junior majeure du Québec. On donne un match à chaque équipe et à l'intérieur de ce match-là, il y a plusieurs promotions qui sont prévues, dont la tournée de la Coupe du Président, la Coupe Memorial, où est-ce que chez les commanditaires identifiés par le club local, les gens peuvent se présenter chez ces commanditaires-là pour une séance de photos. Et nous, de notre côté, on fait également une tournée médiatique. Et en plus, on en profite pour rencontrer le député local et le maire ou la mairesse de la ville concernée. Donc, ça faisait partie de l'horaire qu'on avait établi pour notre visite au Saguenay. OK. Là, vous avez dit, évidemment, puis je suis bien d'accord avec vous là-dessus, que c'est pas un luxe d'avoir un nouvel amphithéâtre en 2018, évidemment. Mais est-ce qu'on se donne du temps du côté de la Ligue de hockey junior du Québec? On peut-tu considérer ça comme un ultimatum ou pas, si jamais on décide que finalement, on va rester comme ça? Mais écoutez, premièrement, c'est impossible que ça demeure comme ça. C'est nous, au niveau de la Ligue, on n'acceptera jamais que les Saguenayens continuent à évoluer dans le centre Georges Vézina. À dans le cas où il y a une décision qui est prise et qu'il n'y a pas de nouvel amphithéâtre, il va devoir y avoir des rénovations majeures qui vont s'effectuer au centre Georges Vézina. C'est certain qu'on ne peut plus continuer à opérer au centre Vézina dans l'état actuel qu'il se retrouve. Okay. Au cours des prochaines années, dès que la décision sera prise, à ce moment-là, il y aura des démarches qui seront prises avec la Ville pour effectuer des rénovations majeures et pour être en conformité avec les standards de la LHJMQ établis pour nos normes au niveau de permettre à une équipe d'évoluer au sein de la Ligue junior majeure du Québec. Mais vous savez que quand il y a des consultations publiques, on ne sait jamais comment que ça va virer. C'est ça, moi, c'est ça un petit peu qui me fait peur. C'est que vous savez comment que ça a traîné à Shawinigan, vous savez comment que ça a traîné à Hull. Ça peut être la même affaire. Puis plus que tu traînes un dossier, plus que le coût du projet augmente. C'est ça qui me fait peur un peu d'un projet comme le Centre Georges Vézina. Oui, mais je pense que dans le moment, comme j'ai mentionné lors de mon passage au Saguenay, je suis très impressionné de voir comment la mairesse Néron contrôle le dossier, quel est son plan, quels sont les échéanciers, et je suis confiant qu'elle va être en mesure de mener ça à bon port avec le soutien de ses conseillers et de la population. Vous vous donnez combien de temps à peu près pour quelqu'un? Ben, moi, je suis... Dans le moment, je peux pas donner de temps. Le point qu'il va avoir, qu'on a convenu avec la mairesse, c'est qu'on va se parler sur une base régulière pour connaître les échéanciers à venir dans ces éléments-là. OK, OK. Êtes-vous satisfait de la saison du côté de la Ligue de hockey junior du Québec? C'est la 50e année. Êtes-vous satisfait quand même de ce qui se passe sur la glace? Très satisfait de ce que nous voyons sur la patinoire. On a de très bons spectacles. vitesses, rapidité, de très bons joueurs de hockey, très bonnes recrues qui se sont joints à la Ligue cette année. Donc, c'est extrêmement satisfaisant. Les foules, comment vous trouvez cette année? Est-ce qu'il y a eu un effet, Patrick Roy? Est-ce que ça a augmenté, finalement, cet effet-là? Parce que moi, je me rappelle d'un belles années des Remparts. Et ensuite, il y avait la rivalité Remparts-Saguenay. On ne peut pas reproduire ça nécessairement. Ce ne sont pas les mêmes acteurs. Mais Patrick emmenait du monde un peu partout. Est-ce que vous pensez que les foules ont augmenté depuis ce temps-là? Bien, je pense que la présence de Patrick est un élément positif à Québec. Puis je suis certain que quand les Remparts de Québec se présentent dans différents amphithéâtres, la présence de Patrick a certainement un impact. Mais au-delà de ça, je suis extrêmement satisfait de notre situation au niveau des assistances dans les Ligues majeures du Québec qui sont en hausse depuis le début de la saison de près de 4%. OK. Puis Alexis Lafrenière, ça doit aider aussi, là. Oui, effectivement, c'est un très bon joueur de hockey. Alexis Lafrenière, beaucoup d'impact, beaucoup de publicité, puis il performe très bien avec l'Océanique. OK. Monsieur Courteau, j'ai des questions des auditeurs. J'ai demandé aux gens si vous avez des questions pour Monsieur Courteau. Je vais vous poser les meilleures questions. D'abord, puis ça, c'est bonne, cette question-là. Est-ce qu'on peut espérer une autre franchise éventuelle sur la rive sud de Montréal? Pour en arriver à ça, dans un premier temps, il faut qu'il y ait la construction d'un aréna neuf. Ouais. Puis après ça, il faut qu'il y ait une équipe qui soit disponible parce qu'on n'a pas de possibilité d'expansion au moment où on se parle. OK, OK. Deuxième question, en 30 ans, votre meilleur coup? Que vous êtes... définitivement l'expansion dans les provinces maritimes. OK, donc c'est OK. Moi, j'ai une question aussi là-dessus. On veut réformer la Coupe Memorial. Est-ce que un tournoi style March Madness aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, là, avec le Final Four et ainsi de suite, est-ce que ça pourrait arriver dans la Ligue canadienne de hockey? On est toujours ouvert à regarder différentes propositions qui pourraient amener encore plus d'intérêt pour nos amateurs de hockey junior. Le format qu'on a actuellement, c'est un format qu'on est en place depuis 1983 et à ce niveau-là, on a toujours amené beaucoup de bonnes compétitions. Mais comme je vous dis, on n'est pas fermé à l'idée de regarder différentes propositions. OK. Donc, mais présentement, il n'y a pas de projet pour remplacer ça un peu, là. C'est sûr que la TV le demanderait, elle l'exigerait possiblement qu'on regarderait plus, c'est ça? Ça pourrait être une possibilité. Mais comme je vous dis, on n'est pas fermé à ces éventualités-là. Pour nous autres, on est toujours à l'affût de regarder ce qu'on peut faire pour améliorer notre produit à la satisfaction de nos amateurs, de nos commanditaires et de tous les médias. Dernière question, Monsieur Courteau, je vais vous laisser après ça. Il y a quelqu'un qui me demande également si Bécomo, advenant que Chicoutimi, vous mettez un petit peu des pressions puis vous dites faut qu'il y ait un standard de la Ligue de hockey junior du Québec, il arrive quoi avec Bécomo? Parce que l'aréna est un petit peu désuète aussi là-bas. Ouais. Dans cette situation-là, on n'a pas eu à répondre à des questions comme celle-là parce que c'est pas un dossier sur le moment, mis à part la modification des bandes de patinoire, des vitrées d'éclairage qu'on va devoir se pencher pour Bécomo. Le dossier de Chicoutimi, c'est venu du fait que la mairesse et ainsi que le prédécesseur m'a parlé de la construction d'un aréna neuf. C'est de là que vient le support de la Ligue junior majeure à cet effet-là. OK. Ben, M. Courteau, merci beaucoup. Félicitations encore une fois pour votre mandat, puis on va s'en reparler un autre tantôt. Ça fait plaisir. Le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles